une histoire particulière. Je me souviens d'une couverture de magazine, de ces couvertures chocs qui impressionnent et marquent durablement. C'était un oiseau. Il semblait épuisé par ses efforts vains à essayer de s'envoler. Le bec ouvert, les ailes écartées, immobile, entièrement recouvert d'une boue qui semblait gluante et puante. L'animal allait, à n'en pas douter, s'abandonner à une mort certaine et libératrice. De sa couleur d'origine, d'un blanc immaculé, rien ne subsistait. Il fut l'une des victimes de la marée noire du 16 mars 1978. Une bien sombre histoire racontée par Nejma Bouakra et Thomas Beau. Dès la première heure, quand nous avons su qu'il y avait le naufrage, avec le rédacteur en chef, on s'est porté sur les lieux. On y était en fin de matinée. Et je garde le souvenir, non pas d'une image, mais surtout d'une odeur. Puisque à 30 km à la ronde, ça puait le pétrole. Et alors l'image, c'est toutes ces voitures qui venaient voir le monstre. Mais pour les voitures qui venaient des bleds d'à côté, elles étaient au starter. Et ça y allait, ça ajoutait à la pollution. Et donc, je crois que ce jour-là, mais c'est peut-être avec le recul quand même, une prise de conscience que le pétrole qui était dans la mer, c'était celui qui était dans les réservoirs. Et là, ça a été un grand moment, je crois, pour tout le monde. Tout le monde a commencé à comprendre qu'on était tous interdépendants les uns des autres et que ce pétrole qu'on avait dans la voiture, il fallait bien en assumer les conséquences. À bord de l'Amoco Cadiz, un documentaire de Nejma Bouakra et Thomas Beau. Épisode 1. Un désastre, c'est le mot qui revient ce matin dans tous les journaux. Il est vrai qu'il n'y en a pas d'autre. La marée noire s'étend d'heure en heure en Bretagne et l'on a l'impression que rien ne peut arrêter la plus grande partie de la cargaison de se répandre en mer. Combien de pétrole à la mer? Peut-être déjà plus de 120 000 tonnes. L'Amoco Cadiz en transportait 220 000. Cette catastrophe est la plus grave marée noire de l'histoire. Vous retrouvez là tous les soirs, quasiment? Oui. Sur le port de Port-Salle? Oui, on est là à peu près tous les soirs. Tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est pas là. Il y a des plus anciens qui ont 85, 86 ans. Et ils y vont arriver peut-être, je ne sais pas. C'est en froid, là, mais non. Tout le monde reste à l'abri. Le 16 mars 1978, vous étiez là? Oui. Ah oui, c'est rapport à le Panaméen, là. Qui est venu nous emmerder. Là. On m'a fait mettre la moteur derrière aussi. Ils sont derrière dans toute la merde qu'il nous a donnée. Qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? Ouais, il y avait la tempête, moi toujours, c'était le soir. Tempête du Norrois. Et on a vu les fusées à 10h, vers les 10h, 22h quoi, le soir. Et voilà, ça pue le pétrole. Bel oiseau blanc du bout du monde, fils de mer, fils du pays, rebelle semblante entre deux mondes, tire d'elle sanglante de quel pays. Feu noir sur trois abeilles, sang noir sur 10 estuaires, cette île est fer en pluie. Inexorablement, à une vitesse que l'on estime à 20 km par jour, la marée noire de l'Amoco Cadiz gagne l'ensemble des côtes de Bretagne Nord. L'île de Bréa, l'île des Fleurs, à son tour est touchée sérieusement par le mazout. La marée noire menace maintenant le Mont-Saint-Michel et la Manche. Inexorablement, ce matin, le temps est plus calme, mais un nouvel avis de coup de vent d'ouest est annoncé. Et malgré le mauvais temps, hier, les bateaux de la Marine nationale ont tout de même travaillé jusqu'à ce que les vents de nord-ouest aient fait dériver les nappes à proximité immédiate des côtes. Là où les fonds sont inférieurs à 50 mètres, là où il est interdit de traiter avec des produits chimiques, encore plus dangereux pour la faune et la flore que le pétrole lui-même. Inexorablement, beaucoup d'oiseaux de mer d'ailleurs seraient morts empoisonnés par ces produits sans avoir été en contact avec le brut. Battu devant flottant bastion, battu devant flot tourbillon, battu battant sans pavillon, soleil levant noir. Sans rayon, moi, l'eau, le feu, la terre, noir de feu, lait, de le vent, la brume aussi. La mode des pétroliers géants, ces espèces d'immeubles de tôle sur lesquels l'équipage circule à bicyclette, date de la fermeture du canal de Suez pendant la guerre égypto-israélienne. Pigeons de feu sur mer, poissons de queue sous mer, cette île est fer en pluie. On peut citer aussi en 72 l'apparition d'un trafic nouveau en provenance de la mer du Nord qui a porté sur 200 000 tonnes et qui est sans doute le prélude à une plus grande extension. Le pavillon A signifie « je fais des essais de vitesse ». Le pavillon B signifie « je charge des matières dangereuses ». C'est-à-dire que nous l'avons en ce moment, c'est-à-dire que je suis chargé de matières dangereuses. Ah non, c'est pas dangereux. Pourquoi nous que ce soit le plus dangereux ? Étant donné que les abordages, les échouements sont dus pratiquement uniquement à des erreurs humaines. Ah non, c'est pas dangereux. Donc, que vous ayez deux bateaux au lieu d'un, vous avez deux fois plus de chances d'abordage et deux fois plus de chances d'échouement. Comme d'autre part, les règles internationales limitent la quantité de pétrole qui sont répandues en cas d'accident, ben vous ne rejetterez pas plus de pétrole avec un 500 000 qu'avec un 200 000. Discours de feu, discours de veau, concours de peu, discours des veaux. Secours de peu, futile travaux. Séjour de feu pour 1000 chevaux. Et on aura le temps de pomper avant le reste, avant que le bateau coule ? Le bateau coulera pas. Le bateau sera pétrolier, ça coulera extrêmement rarement. Noir, langue des vipères, noir, langue de colère, les vents, les hommes aussi. Qu'a-t-il pu bien se passer ce 16 mars 1978, à bord du super tanker Lamco Cadiz. Ben moi, ça serait une panne de machine, quoi, par mauvais temps. Parce que quand il faut intervenir avec des pièces qui font une tonne sur un pont roulant, avec des gars autour, des démontages, quelque chose qui balaye avec le roulis. Et là, c'est dramatique, quoi. Parce que le bateau, ça devient une coque de noix sur l'eau. Et y a plus, du moment que vous n'avancez plus, vous n'avez plus de le bateau se maintient pas. Le navire, il se maintient pas. Donc, il roule de bord sur bord. Il se met par le travers de la lame. Et c'est là qu'arrivent souvent des gros pépins, quoi. J'étais chef mécanicien sur des 240 000 tonnes comme l'Olympique. Alain Godeste, une avarie de barre, ça se découvre tout à coup en pleine mer ? J'ai eu une avarie de barre au large de Durban, par une mer très forte, sur un 240 000 tonnes, de la même manière. Et il faut réagir extrêmement vite, avant que les conditions se détériorent très rapidement, et s'éloigner de la côte au maximum. C'est l'un des points très forts. C'est ce que j'ai fait quand on a eu cette avarie de barre. J'ai téléphoné tout de suite au lieutenant en lui disant de s'éloigner au maximum de la côte, qu'on avait une grosse avarie de barre, et de prévenir le commandant après avoir pris la décision de changer de route. Tant qu'il reste un petit peu de temps où la barre répond, c'est à ce moment-là qu'il faut réagir très très très vite, de manière à s'éloigner, à mettre le cap sur le large et pouvoir s'éloigner au maximum de la côte pour ensuite pouvoir, comme j'ai fait, descendre à la machine, voir ce qui se passait. C'est l'officier mécanicien qui était de garde, qui m'a de service ce jour-là, qui m'a appelé de nuit, et décoincé après. Mais il faut déjà essayer de s'éloigner de la côte au maximum pour laisser le maximum de dérives possible plus tard. Si toutefois, on n'arrive pas à réparer l'avarie. Justement, si l'on parle de Lamco Cadiz, Lamco Cadiz se trouve à 16 km de Ouessant. C'est proche, oui, c'est ça. On dérive très vite avec un navire. Et donc, on dérive très, très vite suivant les conditions. Souvent, des vents d'ouest qui ont dû le ramener sur la côte. Donc, c'est dramatique. C'est dramatique pour le personnel du bord. Peut-être, le commandant, avait pour gagner un petit peu de temps, avait peut-être serré un peu la côte. Mais ça, Lui seul pourrait en parler. Hein. On ne peut pas savoir, parce qu'il y a l'armateur qui est derrière également. Et un commandant est au choix. Donc il peut être renvoyé d'un moment à l'autre. S'il ne fait pas ce qu'il faut, enfin, là, c'est dans les marines marchandes françaises, c'est autre chose. Mais dans certains, si vous passez sur les listes noires, vous n'embarquez plus. Vous êtes le maître après Dieu à bord, mais malgré tout, il y a l'armateur, c'est votre employeur. Hein. Il faut toujours penser à ça. Il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus du crâne. Hein. À cette époque-là, il n'y a pas les réglementations qu'on connaît aujourd'hui. On est juste en plein cœur des discussions sur les réglementations, sur les droits de la mer. Et donc, on n'a pas encore créé les zones économiques exclusives à 200 000 nautiques, c'est-à-dire là où l'État a autorité. En-delà de ces 200 000, c'est homme libre, toujours tu chériras la mer, aucun État ne peut agir. Et donc, là, à cette époque-là, à la Moco Cadiz, il y a un rail qui est très près de Ouessant, mais bon, les petits navires continuent à passer entre Ouessant et la côte. Oui, il n'y a pas de réglementation encore draconienne. C'est un peu le commandant qui estime quelle est la meilleure route à prendre, ne serait-ce que pour répondre à des impératifs économiques, arriver plus vite au port. La notion de maître après Dieu est saute. Seul maître après Dieu, ça veut dire quoi quand on est en mer? Ah bien, écoutez, c'est la décision qu'il faut prendre en cas de pépin. Peu importe si on va perdre du temps, si on va pas arriver à l'heure au port, l'essentiel, c'est de sauver le navire et de sauver les hommes. Parce que dans la Moco Cadiz, ce qu'on oublie, c'est qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais quand vous avez un naufrage comme le Tagno, où vous avez des gens qui périssent, ben, ça ajoute un côté dramatique. Et ça, la priorité de l'équipage, les commandants, ils avaient ça en tête. Tandis que là, on leur dit, bon, ben maintenant, voilà, il faut décider en fonction des impératifs économiques. Ils avaient déjà cette notion, les marins, l'économie de leur travail. Ils savaient très bien qu'ils transportaient des marchandises et qu'à partir de là, il fallait les amener à bon port. Mais quand le pépin arrive, il faut prendre des décisions qui peuvent contrarier le déroulement des opérations économiques. Moi, l'eau, le feu, la terre, noir de feu, lait, de serre, le vent, la brume aussi. Mais je travaillais aux ateliers français de l'Ouest, chantier de réparation navale, où j'étais technicien acheteur. Et Ron Lostis. 4 jours avant, c'est-à-dire le 9 mars, nous avions reçu un message de la part SOS, de la part de la Moco Cadiz, qui se trouvait dans le golfe de Gascogne, là où il venait d'endommager un flexible hydraulique de commande de barre. Il y en a deux. Il faut savoir qu'il y en a deux. Il y en a qu'un seul qu'on utilise à la fois. Donc, du coup, il ne lui restait qu'un seul valable. On sait que la Moco Cadiz a fait naufrage pour une avarie de barre. Que se passe-t-il dans le golfe de Gascogne pour qu'un flexible saute? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit un défaut dans le flexible, soit une surtension, puisque c'est hydraulique, c'est à 750 bars pour manœuvrer le safran du gouvernail, à partir de la passerelle, soit un manque d'entretien. Tout simplement, comme ça arrive souvent sur les pétroliers qui veulent faire des économies de bout de chandelle. La commande a été annulée ? La commande a été annulée à la demande certainement de l'armement, pour des économies de bout de chandelle, parce qu'il fallait immobiliser le pétrolier dans le golfe ou à la sortie du golfe, puis continuer à naviguer au niveau de la Rochelle à peu près. L'armement avait espéré qu'ils pourraient livrer leur pétrole en espérant utiliser le seul flexible qui restait. Or, en arrivant au large d'Ouessant, le deuxième fessier flexible a lâché. Ce que vous nous dites là, il n'y a que vous qui puissiez nous le dire, c'est ça? Personne n'a de trace de ça, à part vous. Voilà, c'est sur parole. Moi, l'eau, le feu, la terre, noir de feulet de serre, le vent, la brume aussi. Et quand on a une avarie de barre, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, essayer de réparer. Si on ne peut pas réparer, il faut prendre un remorqueur pour tirer le bateau, c'est tout. Il n'y a pas de solution. Il y a des capitaines qui espèrent réparer? Ah bien sûr, mais des bateaux, il y a des bateaux en panne tous les jours sur le rail de Ouessant. Ben, moins maintenant peut-être, mais avant, quand les bateaux étaient plus, disons, en plus mauvais état, bon, mais souvent ils réparent, hein. C'est réparé. Hein. Ils prennent le remorqueur que si vraiment ils ne peuvent pas faire autrement. Et tant qu'ils sont au large, bon, ça ne risque pas grand-chose. C'est qu'ils se rapprochent des côtes, après la seule chose. Quoi. Ben, là, il faut agir vite. Vous pensez que le capitaine a essayé de réparer d'abord? Ah bien sûr, hein. Ah bah oui, oui, ah bah oui. Hein. Ah oui, avant de prendre un contrat, un remorqueur, ils vont faire tout pour réparer. Hein. Ça c'est normal, hein. N'importe qui fait pareil. Hein. Si vous tombez en panne avec votre voiture sur la route, ils pouvez réparer sans appel dépanneur, vous la réparez vous-même. Bah, c'est la même chose, hein. C'est le même système. Vous vous appelez comment? Bernard Perrotte, premier novice de Jean Bulot. Vous avez connu Jean Bulot? Non, c'est un commandant qui était aux abeilles, premier qui a pris la baie de Normandie quand le Pacifique est parti après la Mococalise. Ah oui, ça c'est un sacré manœuvrier. Ça. À cette époque-là, dans les zones où il y avait beaucoup de trafic, et la Manche en était déjà une très importante, les compagnies de sauvetage et d'intervention mettaient des remorqueurs aux aguets, en quelque sorte, pour que s'il y avait un problème technique à bord des bateaux, ils puissent intervenir pour être les premiers, en fait. C'était la chasse aux contrats. Les contrats, c'est très cher. Ah oui, oui, oui, ces contrats d'assistance, c'est évidemment très, très cher. Mais donc, à l'époque, ce n'était pas quelque chose d'organisé. Christophe Rousseau. C'était quelque chose qui était de la concurrence commerciale. Donc, ils stationnaient dans des zones maritimes voilà, un petit peu dangereuses, comme ici. Ils tournaient en rond dans les zones maritimes les plus dangereuses sur la Terre. Et ils étaient là, aux aguets, en attente d'un appel au secours pour pouvoir être proches et être surtout les premiers à prendre le bateau en remorque. À cette époque-là, rien n'est régulé. Ah oui, rien n'est régulé. Ça, c'est du commerce pur et dur, oui. La concurrence pure et dure, oui, oui. Et à votre avis, dans quel état était le bateau? Lequel, le pétrolier? Oh, il était en bon état, mais une panne, ça peut arriver à n'importe quel bateau. Hein. Oh, ouais, non, non, c'était pas un bateau pourri, hein. C'était un joli bateau. Hein. Ce bateau, il a été présenté comme un très beau bateau quand il est sorti du chantier naval. Oui, c'était un fleuron avec trois autres sister ships. Et il a été, la Mococadis a été lancée en 1974. Odile Guérin. Et dès le lancement, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite au niveau du gouvernail, une fuite d'huile hydraulique. Bon, on s'est dit, c'est pas très grave, on va attendre la mise à sec de 1976. Donc le bateau est mis à sec pour cariner. Bon. Et ils se rendent compte qu'effectivement, il y aurait des réparations à faire, mais elles auraient demandé 15 jours. Et 15 jours d'immobilisation, ça coûte cher. Donc, ils n'ont pas fait. Et la mise à sec de 1978 qui était programmée a été retardée pour les mêmes raisons. Il faut quand même dire qu'à chaque fois qu'on a eu des marées noires, c'était au mois de mars. Je me suis toujours posé la question. Bon, effectivement, la mer est mauvaise, il y a des tempêtes. Mais c'est surtout qu'au mois de mars, l'Europe du Nord-Ouest doit reconstituer ses stocks de fioul. Parce qu'il y a eu l'hiver. Et donc, plus les rotations sont rapides, plus on gagne l'argent. Oui, déjà on savait que cette avarie existait. Yvon Rochard. Puisqu'elle avait été signalée et qu'elle aurait dû être réparée. Et j'ai le souvenir que de sources crédibles, on a retrouvé dans la carcasse de la Moco les pièces en laiton qui devaient remplacer celles qui étaient en place, qui étaient en bronze, et qui auraient permis d'éliminer la fuite de lubrifiant qui a fini par causer les dégâts qu'on connaît, le non-fonctionnement du gouvernail qui a conduit à la catastrophe. Pourquoi est-ce que ces pièces n'ont pas été utilisées? Alors, elles n'ont pas été montées, ces pièces, parce que tout simplement, il faut immobiliser le bateau. Le gouvernail est un engin énorme de plusieurs dizaines de mètres. Il faut sans doute une ou plusieurs journées de travail pour remplacer ces pièces. Et chaque journée coûtait une somme considérable que Kamoko a refusé de dépenser pour de ne pas gagner pour faire cette réparation nécessaire. L'Amoco Cadiz a quitté le golfe Persique le 16 février 1978. Fait escale à Las Palmas le 11 mars. Depuis combien de temps le capitaine et ses marins étaient-ils en peine? Lors de la pénible remontée du golfe de Gascogne, le 15 mars, lorsque la tempête d'équinoxe tabasse, la nuit même, le lendemain, le 16 mars, à chaque départ sur ce tanker non révisé, l'angoisse de la tuile, de l'avarie. L'armateur aux États-Unis a-t-il été réveillé en pleine nuit par les appels du capitaine Badari, ses adjoints à Gênes? Le directeur de Standard Oil of India, 9e groupe de l'industrie américaine, du plus haut gratte-ciel jamais construit à Chicago, véridique, ce directeur a-t-il rêvé cette nuit-là d'un de ses fleurons pris dans la tempête sans gouvernail? De ce pétrolier battant sous pavillon de complaisance grâce au subtil montage de sociétés écran aux Bermudes affrétant des navires pour le compte de Shell? Les rapports ne diront rien de la peur des marins à bord de l'Amoco Cadiz, ni de cette énigme. Pourquoi le capitaine Badari a-t-il attendu de si longues heures pour lancer un appel général de détresse? L'Amoco Cadiz, dit le rapport, s'est trouvé en difficulté vers 9h15 dans la matinée du 16 mars. Son commandant, le capitaine Bardari, a lancé un SOS à d'autres navires une heure plus tard. Mais ce n'est qu'à 4 heures de l'après-midi que les propriétaires du navire ont négocié un contrat de sauvetage avec une compagnie de remorqueurs ouest-allemande. Quant aux Français, ils n'ont été avertis qu'à 11 heures du soir, alors que l'Amoco Cadiz était déjà échoué. Au départ, il y a ce gouvernail qui saute, mais ensuite, c'est tout le temps perdu qui est vraiment à l'origine de la pollution. On aurait pu anticiper, essayer, il y avait le Pacifique, le remorqueur qui était là, il a pu passer des remorques, mais il aurait peut-être pu les passer beaucoup plus au large et éviter que le navire vienne s'encastrer sur les roches. On a eu deux remorqueurs qui se sont rendus sur place, hein. Le second remorqueur est arrivé quand le bateau venait juste de s'échouer. 30 minutes trop tard, c'est ça? Oui, à peu près une demi-heure. Ouais. D'abord, sur l'Amoco Cadiz, le gros problème, c'est que le commandant, tout en n'ayant pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, il était en relation avec son armement, sa société. On a discuté longtemps de savoir si on prenait un remorqueur, si comment on faisait, ceci, les assurances était en ligne de mire. Le remorquage est à la charge de son armateur. Hein. Encore faut-il que le remorquage réussisse. C'est le capitaine du pétrolier Amoco Cadiz qui est directement responsable de la catastrophe de mars dernier. Voilà ce que révèle un rapport que Raymond Barre a signé et a présenté la semaine dernière à Londres à une réunion de l'organisation maritime de l'ONU. Ben, je pense que le capitaine n'a pas eu de chance. Il a eu un pépin, quoi, un gros pépin. Mais je ne remets pas en cause la capacité du capitaine. Il était obligé d'en référer à son armateur, qui, lui, prenait contact avec la compagnie de remorquage. Et il ne pouvait pas faire autrement. Pour le remorquage. Pour la question technique, je ne peux pas vous répondre. Le rapport demande qu'un certain nombre de mesures de sauvegarde soient envisagées, dont une qui risque de soulever un tollé général, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la suppression des pavillons de complaisance. L'Amoco Cadiz naviguait sous pavillon libérien. Le nombre d'accidents impliquant des bâtiments naviguant sous pavillon de complaisance est trop important pour qu'il s'agisse de simples coïncidences, souligne le rapport. Alors, côté marin français, ils craignent aussi sur leurs prérogatives. Ce sont des gens qui sont habitués à prendre des décisions seuls. Claude Tarin. Et là, tout d'un coup, on va les chapeauter, on va les... Et ça, c'est un peu antinomique avec le métier de marin. Moi, j'ai énormément appris avec ces commandants de pétrolier. C'était des commandants anciens qui avaient fait toute leur carrière au pétrole, qui avaient commandé des pétroliers de 250 000 tonnes, des très gros. Et eux, ils nous racontaient que quand ils faisaient des rejets en mer, alors des rejets opérationnels, donc ça c'était des choses volontaires, hein, quand ils étaient jeunes officiers, déjà, donc ça remonte encore avant l'Amoco, et pour pas qu'il y ait des traces à la surface de l'eau, donc eux, il n'y avait pas de dispersant, etc., ils utilisaient des détergents, donc ils faisaient tourner la machine à laver le linge, et il faisait beaucoup de mousse, etc. Et il le déversait à l'extérieur du navire. Comme ça, ça faisait de la dispersion. La loi sur la mer, c'est la loi de la liberté. Mais comme nous sommes de plus en plus nombreux, comme les navires sont de plus en plus gros, il faut se rappeler que la liberté des uns finit là où commence celle des autres. La première des choses, c'est qu'il faut éloigner la circulation des côtes. Il faudra que la marine nationale, dans l'avenir, ait probablement plus de moyens d'intervenir dans des opérations de ce genre. Alors, on a déjà fait beaucoup de choses, mais il faut aller beaucoup plus loin. Comment se déroulait la surveillance du rail d'Ouessant ? On s'imagine pas, tant qu'on n'a pas été dans des mers comme ça, défoncées, où tout est blanc à l'horizon, parce que c'est tellement, il y a tellement de vent, il y a tellement d'agitation, tout est blanc. De temps en temps, on voit plus rien parce que c'est tellement haut que... voilà. Christophe Rousseau faisait alors son service militaire le long du rail de Ouessant, fin 1978. Et après, quand on nous disait, ben, il faut que vous alliez... Alors là, c'était... Non, c'était une aventure extraordinaire. Comment interceptez-vous les bateaux ? Alors nous, on les interceptait pas, on se mettait près d'eux, on les identifiait, parce que des fois, de nuit, ils traçaient la route sans dire qui ils étaient. Il fallait monter dans la mâture pour allumer un énorme projecteur. Comme ça, quand on avait son nom, eh ben, on l'appelait à la radio, mais on était juste à côté de lui. Des fois, il nous ignorait grandement, hein, mais c'est... Voilà. On montrait que la force publique était là et il pouvait pas faire ça impunément. Et la nécessité, bien sûr, de pouvoir contrôler que les navires respectent cette réglementation internationale. C'est ce qui existe au large d'Ouessant. Deux couloirs ont été créés et le dispositif doit être complété par les moyens de surveillance. Que peut-on dire aujourd'hui à ces populations ? Est-ce qu'elles auront d'abord les moyens et ensuite l'espoir de voir la Bretagne redevenir assez rapidement, et peut-être cet été, en tout cas certains le souhaitent, un pays où l'on peut y faire du tourisme dans un site propre ? Écoutez, d'abord, bien entendu, je comprends leur angoisse quand on voit l'ampleur des conséquences d'un accident de ce genre. Alors, je voudrais dire ces deux choses. D'abord, en ce qui concerne le... Mille noirs statues, noirs policiers, mille points tendus, dix points brisés, mille points tendus pour mille années, cent mille hommes en colère. La solidarité et l'organisation. Mille hommes sans la mer, sans l'âme et fer. La solidarité et l'organisation. Bouge vin, bouge bière, le feu, la mer, aussi. Fin de l'épisode 1. À venir, le fantôme de l'Amokokadis. Merci aux hommes de la mer, Jean-Bernard Delarue, capitaine, Alain Godest, chef mécanicien, aux journalistes Yvon Rochard et Claude Tarin, à l'infatigable naturaliste et écologiste Odile Guérin, à Christophe Rousseau, adjoint au directeur du Cèdre. Merci à Lina, Isabelle Lefort-Rendu et à Gaëlle Bachet du musée Mille Marins. Merci à René Lostis. Prise de son Yann Fressy, au mixage Jean-Michel Bernot, à bord de l'Amokokadis, un documentaire de Nejma Bouakra et de Thomas Beau, comme Beau. Coordination Christine Bernard. C'est la fin du premier épisode. Je vous retrouve demain pour la suite de l'histoire de l'Amokokadis. Mais pour l'instant, votre séance cinéma est en direct du Salon Livre Paris de la Porte de Versailles, où je vous laisse en compagnie d'Antoine Guillot.